serrer, me laisser dans un linceul vide, seul à en crever. Dans les rues, les ombres passées défilent, pourtant à la recherche de fil. La pluie dans la gouttière fait flic, floc, ils marchent tous non-stop. Contre un miroir cassé, ne semble pas avoir pleuré, ne semble pas avoir pleuré. Allez savoir ce qu'elle a pensé. Comme une feuille de papier déchirée, elle colle sa tête sur la vitre cassée, rouge carmin. Ils marchent.